Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Nous sommes donc revenus à nos petites habitudes avec la partie news qui concerne le mois de septembre, hein, vu qu'on est rentré en plein dans le mois d'octobre, et là c'est les périodes de rentrée, donc il y a plein de trailers qui sont arrivés, notamment celui de Captain Marvel, le tout nouveau film du MCU, donc qui est arrivé il y a déjà 15 jours là. On a eu récemment aussi celui de Dark Phoenix, donc le nouveau X-Men aussi. On va explorer un peu le cinéma français avec Nicky Lachaud, excusez-moi, Nicky Larson. Puis on passera en revue quelques news concernant le Joker, Hellboy. Venom, ce sera pour plus tard, on va dire. Et aussi, pour la dernière partie, on se consacrera à deux films un peu rétro. On fera une rubrique un peu rétro. On évoquera nos différents avis sur les films qui sont quand même une dizaine d'années maintenant. Hein, puisque Fanboys était sorti en 2008 et Soyez Sympa Rembobiné était sorti en 2009. Donc un peu des films avec une thématique, je dirais, qui sont nostalgiques, mélancoliques et aussi qui rendent un petit peu hommage aux fans de toute heure, quoi. Et pour commencer cette partie trailer, je vais laisser la parole à mon ami Teddy, vu que lui c'est un grand fan de Nicky Larson, je parle bien sûr de l'original, de Tsukasa Ojo, pour la bande-annonce de donc l'adaptation française de Philippe Lachaud. Une ombre file dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit, et comme un démon il sourit. Son crime restera impuni. Donc Nicky Larson, adaptation française, on va bien dire française de Lachaud, parce que franchement, ça, on va vous raconter un petit peu plus tard, mais ça fait vraiment version française du doublage de Nicky Larson qui était sorti dans les années Club Dorothée. Donc moi, ce film, il m'a quand même intéressé. Je serais curieux de voir ce que Philippe Lachaud a réussi à faire avec. Donc Philippe Lachaud, pour se replacer, c'est celui qui avait sorti les films Babysitting, Babysitting 2 et Alibi.com. Qui avait bien marché, hein, surtout Babysitting et Alibi.com, qui avait bien marché, qui avait une critique correcte. Après, ça reste du film français, hein, donc un peu à la Louis de Finesse, mais des choses comme ça. C'est du franchouillard et c'est de la rigolade sur prétexte. Un peu à la... pas à la Jackass, mais à la Michael Youn, quoi, à peu près. Ouais, parce que Jackass, c'est un peu trash quand même. Hein, mais je sais pas si tu veux t'exprimer sur cette bande-annonce. Moi, j'étais pas du tout emballé de voir ce trailer. J'ai trouvé ça... c'est un film de potes avec des cosplays. Ça n'innove pas beaucoup et que, il y a quelques effets de style ralenti. Il y a quelques blagues. Les deux abrutis de la fin, là, je ne sais pas pourquoi ils disent un les guingants. Mais ça doit être en rapport avec leur... Mais j'ai pas l'impression d'avoir une adaptation de Nicky Larson, quoi. Alors, ce sera pas une adaptation, ça c'est sûr. Ce sera inspiré, on va dire, dans les cosplays, etc. Et en fait, ils vont se lâcher sur le film. Ils sont pas là pour faire plaisir aux fans, en fait, dans ce film. C'est Philippe Lachaud qui se fait plaisir à lui-même en reprenant une licence qu'il avait adorée, donc Nicky Larson, et puis en l'adaptant du mieux qu'il peut avec le budget qu'il a. Enfin, toi tu dis ça, mais lui, il avait dit quand même qu'il voulait faire plaisir aux fans, quoi. Il a dit qu'il voulait quand même que ce soit un petit peu fidèle aux souvenirs qu'on avait du Club Dorothée, tu vois ce que je veux dire, quoi. De toute façon, si on regarde la bande-annonce, c'est fidèle à ce qu'il y avait sur le Club Dorothée, parce que c'est des mecs qui se prennent pas au sérieux quand ils causent, parce que rappelle-toi, les doublages du Club Dorothée, ça n'avait rien à voir avec la VO. Pour ça, je vous invite un peu aux héros de notre enfance qu'on avait fait en trois parties, parce qu'on parlait de Nicky Larson, et justement de la dédramatisation de Nicky Larson au Club Dorothée, avec un doublage plus léger, on va dire, avec des comédiens de doublage qui prenaient des voix vraiment sympathiques et franchouillardes, et puis la version drama de Nicky Larson du manga que j'ai connu en VO bien plus tard est complètement absente du dessin animé français. Ouais, c'est pour le problème des comédies françaises, hein, c'est que c'est très franchouillard et c'est un peu de mauvais goût des fois. Tout ce que j'espère que Philippe Lachaud ne fera jamais une adaptation de Hokuto no Ken, parce que s'il commence à nous balancer des couteaux de cuisine et des dentaux de vison, c'est sûr que ça va discréditer notre ami aux 7 cicatrices. Et en même temps, ce sera dur de faire pire s'il faisait une adaptation que le film qu'on avait vu. Tout à fait, qu'on avait chroniqué d'ailleurs dans notre rubrique Nana. Hokuto no Ken versus Dragon Ball Evolution, que vous pouvez écouter, donc j'espère que vous pouvez écouter, que peut-être que vous apprécierez notre trollisme, on va dire, un petit peu. Je pense qu'on a fait le tour sur... Ce que je voulais dire, c'est que j'attends pas à voir un film... grandiose, hein, ça va rester du Lachaud. Moi, j'avais aimé Babysitting, j'avais pas du tout aimé Babysitting 2, par contre, et Alibi.com, j'ai pas été le voir. Mais si c'est dans le même esprit que Babysitting, moi, je suis prêt à aller le voir. Toi, t'es pas réfractaire aux comédies françaises, est-ce que, pour reprendre un terme de notre cher président, là, réfractaire aux comédies françaises, comme moi, que vraiment que j'ai une aversion, je veux dire, dès que je vois un trailer ou qu'on voit un trailer quand on va au cinéma, il arrive qu'on tombe sur deux trois trailers de films français et c'est que des comédies, et c'est ça que je déplore. Mais ça, on développera dans un prochain débat que. Voilà, dans un prochain débat. Puis c'est vrai que quand on voit un trailer de films français, mis à part Dans la brume, c'est vrai que c'est cheap. Hein, quand oui, c'est ça, c'est vrai que d'ailleurs ouais, je parlais Dans la brume un peu plus dans le débat parce que c'est quand même une grosse prise de risque ce genre de film, mais on n'est pas là, on tise un petit peu le débat hein. Oui, on va vous préparer un débat film français, ouais. Qu'est-ce qu'il y en a à penser, etc. Ouais. Parce que il y a matière à dire, je pense. C'est ça. Puis bon, il y aura beaucoup de mauvaise foi et de et en plus on n'est pas d'accord. Donc là il y aura du débat. Ça c'est clair, et puis c'est mieux hein. Mais voilà quoi, pour Nicky Larson, bah ouais, ça sort en janvier, ça, c'est ça. J'ai pas de souvenir de la date de sortie. Je sais que c'est pas récent, hein. Va sortir dans 3-4 mois. C'est ça. Moi, je suis pas impatient, hein, faut pas déconner. Non. Mais j'irai le voir pour me vider la tête. Mm. Je pense de toute façon que ça sera meilleur que Alad 2. Pas autant que ça. T'es pas aussi impatient que Star Wars 9, quoi, par exemple. Eh ben, je vais dire que je serais peut-être plus pressé d'aller voir Nicky Larson que Star Wars 9. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Pour voir à quel point que Star Wars, nous on aime bien, quoi. Mais ça reste notre valeur étalon. Hein. On troll beaucoup, mais on va passer à du matériel plus sérieux. C'est le trailer de Captain Marvel. Je ne suis pas celle que vous pensez. Donc ouais, Captain Marvel, ben voilà, la bande-annonce a l'air quand même... moi, je suis assez mitigé sur la bande-annonce, et puis bah, Fabien va vous lancer un petit peu plus sur la descriptive de Captain Marvel. Ouais, donc le film est réalisé par Ryan Fleck et Anna Boden, donc ils sont un duo qu'on connaît pas tellement, qui vient de la télévision. Casting, bah, on retrouve Brie Larson, qu'on avait vu brièvement dans le King Kong Skull Island. Dans le casting aussi, il y a Jude Law qui fait une espèce de commandeur de la Star Force, vu que c'est un épisode cosmique. Bah, d'après ce qu'on a vu, ce sera lui Marvel, en fait. Hein, je crois. Ouais, apparemment, ce sera peut-être une référence au Captain Marvel original. Y a Samuel Jackson qui a été rajeuni pour le coup, donc qui a retrouvé son œil. Y a aussi Clark Gregg qui joue l'agent Coulson. Là, j'ai pas trouvé que le rajeunissement était tellement convaincant. Ouais, bon. Il est pas très vieux non plus. Hein. Non, mais bon, ils l'ont mis quelques cheveux, mais au niveau visage, je sais pas, ça passe pas. Pourtant, il y a 25 ans de différence. Hein. Le film se situe dans les années 90, donc il devrait être plus jeune. Mais là, je trouve que ça passe pas. Mais bon, ça, c'est un petit détail. Coulson, de toute façon, il va faire 5 minutes dans le film. Bah, on y a le retour de Ronan, l'accusateur, qu'on avait vu dans Les Gardiens de la Galaxie. Il y a les Skrulls, brièvement, on en voit les Skrulls. Ouais, il y aura aussi l'Empire Kree, donc rien à voir avec Stargate, avec Jaffa Kree, c'est pas pareil. Et du coup, dans cette bande-annonce, bah, on voit pas mal d'images cosmiques, du passé de Carol Danvers, en fait, qui est pilote de chasse à l'origine. Apparemment, elle perd la mémoire et elle doit la retrouver pour justement pouvoir vaincre les Skrulls qui vont apparemment. Je sais pas si c'est l'histoire de la Fox, mais apparemment, comme ils ont récupéré les droits des 4 Fantastiques et des X-Men, maintenant ils ont le droit de mettre les Skrulls dans le MCU. De toute façon, ça a été confirmé que l'ennemi principal serait des Skrulls. Donc, donc là, on sait déjà à ce niveau-là qu'il va y avoir des Skrulls. Après, les Kree, ils courent pas après n'importe qui en général. Ils crient beaucoup, ouais. Voilà, comme on voyait dans le Surfeur d'argent de dessin animé, c'était les Kree et les Skrulls étaient indissociables l'un de l'autre. Aussi dans Hearst Mightiest Heroes, ben voilà, quand il y avait des Kree, il y avait des Skrulls de l'autre côté aussi. Il y avait Captain Marvel dans Hearst Mightiest Heroes. Ouais, il y avait Captain Marvel, Kara Denver, qui avait attrapé ses pouvoirs en Captain Marvel, enfin Homme. C'est dur parce que en fait les deux ont le même nom, donc donc Marvel Homme qui protège Denvers et puis qui se fait irradier par les irradiations Kree en fait. Quand il y a eu une machine qui était là pour détruire le labo parce que la machine Kree avait détecté cette machine qui avait détecté les Kree et puis du coup il y a eu une bagarre avec les Avengers là-dessus. D'accord. Tu parlais des Avengers, justement, elle sera présente aussi dans le Avengers 4, avec les premiers concept art qu'on a pu voir. Je pense que ça va un petit peu changer du fait qu'on est beaucoup sur Terre. Il y a pas mal d'images qui sont intéressantes, notamment les plans avec quand elle fait partie de la Star Force, où elle a une espèce d'armure un peu verte. parce qu'elle a une combinaison verte comme l'écrit, et ensuite elle a sa combinaison, je veux dire, un peu classique, rouge, jaune, bleu. Bah en fait, ouais, on la voit en militaire, on la voit en Star Force, on la voit avec sa combinaison classique, et on la voit en civil. C'est ça. Donc je pense que bah, c'est un film qui va un peu retracer une ambivalence entre est-ce qu'elle écrit, est-ce qu'elle est humaine, etc. Bon, je vais dire que dans le fond, ça rappelle un peu Green Lantern, un petit peu, quelque part, cette histoire de pilote de chasse qui hérite d'un pouvoir par les extraterrestres. Bah, de toute façon, on va dire, chez DC ou chez Marvel, ils se copient les uns les autres. C'est ça. Alors, forcément, on va retrouver des points en commun. J'espère que ce sera pas aussi mauvais que Green Lantern. Bah, je sais pas si c'est possible de faire aussi mauvais que Green Lantern, à part Star Wars 8. Ouais, bah, moi, cette première bande-annonce, moi, elle m'a plu, et elle me donne envie d'avoir plus, donc j'attends un second trailer. Bah, je sais pas pour toi, au niveau, le niveau d'intérêt. Bah, moi, elle m'a donné envie d'en savoir plus, parce qu'en fait, c'est une bande-annonce qui en montre quand même. Elle montre des points qu'on va pas parler ici, hein, ça va aller plus voir les vidéos de Captain Popcorn, des trucs comme ça. Et puis après, elle montre aussi des points en suspens, c'est-à-dire qu'il y a des interrogations dans cette bande-annonce, ce qui est assez rare dans une bande-annonce Marvel, parce que en général, dans une bande-annonce Marvel, on se fait spoiler à mort, quoi. Comme quand on voit le Hulkbuster dans la bataille du Wakanda pour annoncer Avengers 4. Et là, pour une fois, il y a plus de questions que de réponses dans la bande-annonce, donc du coup, ça m'a donné envie d'aller en voir un petit peu plus et comment ils arrivent à justifier son absence pour la suite. Ouais, parce que là, il y a un problème, parce qu'apparemment, il y a quand même 25 ans d'absence. T'es pas là quand Thanos est arrivé pour claquer des doigts, quoi. Alors, on va avoir certainement les explications. Maintenant, est-ce que ça va être du forcing? Ça, j'espère que non, parce qu'on connaît aussi la proportion des scénaristes à raccrocher les wagons, très peu de subtilité, mais bon, ça démarre bien, je trouve que Captain Marvel, ça, il y a, on avait exploré la partie cosmique avec les Gardiens de la Galaxie. On passe sur un autre super-héros qui apparemment est très très très puissant, serait même la plus puissante des super-héroïnes, des super-héros Marvel dans l'ensemble. Dans le MCU, alors, oui, parce que dans l'ensemble, enfin, on va pas rentrer dans le débat, mais dans l'ensemble des héros Marvel Comics, non, il y a beaucoup plus puissant qu'elle. Hein. C'est ça, Galactus. Bah, Galactus, Sentry, Hulk, n'importe, c'est beaucoup plus puissant qu'elle. Bah, Hulk, il fait quand même. Le Ghost Rider. Ouais. C'est pour ça que je dis dans le MCU, Hulk arrive quand même à péter des planètes. Ouais, mais au niveau, il faut se mettre au niveau cosmique pour Captain Marvel. Donc Hulk arrive à tenir tête, par exemple, au dieu, au héros de Galactus. Ça va faire d'argent. Norinrad, ouais, le surfeur d'argent. Donc tu vois, par exemple, voilà, il est nerfé quand même dans les films Hulk. Hein, c'est-à-dire qu'il est vraiment affaibli. Et tu vois là, dans Carol Danvers, quand même très puissante dans la BD, mais enfin bon, elle se fait quand même pomper ses pouvoirs par Rogue. Hein, donc. Ah oui, c'est vrai. La fameuse X-Men. Bah c'est bien comme transition. Justement, on parlait de X-Men, bah, on va enchaîner directement sur le Dark Phoenix. L'esprit est une chose fragile. Le moindre petit choc peut lui faire prendre la mauvaise direction. Charles, qu'est-ce que tu as fait ? Le septième épisode de la saga X-Men, qui a été commencé en 2000. Je compte pas les trois Wolverine. Hein. Ils font pas partie de la saga, c'est à part, c'est... Bon, il y a que Logan qui est à la rigueur. Voilà, Logan, c'est bien. Celui-là, vous pouvez compter, mais les autres. Celui-là, c'est. Ils auraient dû en faire qu'un, c'est Logan, parce que les deux autres. Bah, tu vois qu'on a eu des films pires que Green Lantern. C'est vrai, ça existe. Bah, ce Dark Phoenix, ça reprend l'arc scénaristique de Chris Claremont, qui était sorti dans les années 90. Elle est sortie à la fin des années 70, excusez-moi. Où, justement, Jean Grey était influencée par une entité cosmique, encore une fois. Mais là, de façon assez maléfique. Et commençait à user ses pouvoirs de manière arrogante et on va dire, destructive. Vu qu'elle avalait, elle dévorait une planète à la manière de Galactus, quoi. Et dans ce trailer, on retrouve les principaux protagonistes des trois précédents épisodes, à savoir, on retrouve Xavier, Magneto, Mystique, qui sont le trio dominant. Les têtes d'affiche. Hein. C'est ça. Et puis on a les secondaires comme Beast, le fauve, Il y en a tellement de personnages dans cette saga que. On a Aurora Munro aussi. C'est ça. Storm. Enfin, Storm. Storm on qui a, est enfin du côté. Cyclope, le figurant préféré de ce film. Enfin voilà, on a un peu tout le monde. J'ai cru voir Diablo aussi, mais je suis pas sûr. C'est ça, Diablo. Ouais, parce qu'à un moment, il y a une scène de téléportation. Bah en fait, moi, lorsque j'en ai vu de ce trailer, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu le trailer pour X-Men, l'affrontement final, quoi. C'est ça. Avec des personnages rajeunis. C'est bizarre comme sensation. Ça m'a fait penser à... Bah ouais, je te dis, un trailer de X-Men, l'affrontement final, avec Jean Grey petite, qui a des trous de pouvoir, et puis, du coup, Charles lui bride un peu ses pouvoirs, et puis voilà, quoi. Enfin, je veux dire, ça pue le déjà vu, quoi. Ouais, parce qu'il y a cette scène où elle tue ses parents un peu volontairement. Et donc, Charles lui a fait complètement oublier cet événement. Il y a un côté un peu schizophrène, comme dans l'affrontement final qui ressort. C'est-à-dire que, il y a quand même cette scène dans l'espace où on voit le phénix. Bon, on voit un peu plus que dans l'affrontement final, mais est-ce que ça va être exploité, ce côté cosmique? Ça reste à voir. Il y a un personnage avec des cheveux blancs qui est incarné par Jessica Chastain. On sait pas qui c'est. Apparemment, c'est un extraterrestre. Est-ce que ça va influencer le jugement de Jean Grey? Et puis, elle va, comme dans l'affrontement final, elle va voir Magneto pour trouver des réponses. Et bon, les scènes traditionnelles avec l'hélicoptère qui se plante, les bagnoles qui se retournent, c'est un peu limite, quoi. Déjà, l'apocalypse n'était pas terrible, mais là, celui-là, j'ai l'impression que il va être encore moins bien, quoi. Enfin, c'est une impression. Je sais pas si t'avais aimé Apocalypse, mais Apocalypse, j'avais bien aimé, mais c'était quand même un film divertissant. C'était pas un film grandiose. Non. Faut dire ce qu'il faut. Apocalypse, il y a quand même eu pas mal de scènes d'ennui, et puis la façon dont ils battent à la fin, Deus Ex Machina génial à la fin, et puis voilà. Phoenix. Quoi. Bah, Phoenix. Ouais, Phoenix, qui est déjà présent d'ailleurs dans le. Ah, décidément, que ce soit dans X-Men ou dans Saint Seiya, c'est le Phoenix qui résout tout. Ouais, c'est ça. C'est il se fait écraser par Phoenix. Il y a encore une fois une incohérence dans la continuité des films, parce que le Phoenix, il est pas censé apparaître avant que qu'elle soit contaminée par justement cette entité. Mais dans les premiers films, le Phoenix était déjà en elle, c'est-à-dire c'était elle, et puis c'était juste bridé. Apparemment, pas une entité cosmique dans les films X-Men. Mm. Donc pourquoi pas, hein, mais enfin, ça fait un peu redondant avec X-Men 3, quoi. C'est-à-dire que ce truc-là, il sort de nulle part, ça a servi de Deus Ex Machina, et puis après, ça va être le méchant global. Ça fait exactement penser à la saga Onslow, hein, Deus Ex Machina, Charles Xavier perd les pédales, puis ça devient le méchant final avec Magneto, quoi. D'accord. Ça fait un peu penser à ça. Bah, en parlant de Magneto, moi j'en ai un peu marre de cette girouette. Ouais, je suis bon, je suis méchant. Bon, apparemment, là, il est un peu plus développé parce que il a une île qui s'appelle Genosha, qui est directement inspirée du comics, où il a recueilli d'ailleurs tous les mutants qui se sentent pas à leur place. Et on a vraiment une île complètement isolée de la race humaine, où là, il y aura un havre de paix, et ça y est, il commence à psychoter, et puis il dit, Jean, elle va commencer à déconner, puis ça va plus aller, quoi. Et de retour, on va être mal vu, quoi. C'est l'éternel combat l'éternelle excuse de vous faire revenir Magneto, c'est que la race humaine, elle va encore nous écraser, quoi. Tu parles aussi d'ambivalence pour Magneto. Ouais. Dans les BD, il est ambivalent, mais pas en deux heures, quoi. Il est ambivalent sur plusieurs séries de tomes. C'est ça. Donc là, c'est vrai que l'ambivalence de Magneto dans le dernier film, je suis méchant, je suis gentil parce que rien, en fait. Hein, parce que là, tu dis même pas que c'est son fils, donc il y a même pas de raison. C'est vrai que ça commence doucement à être un peu pompeux comme système. Déjà dans Days of the Future Past, je trouvais qu'il était bizarre. Puis de toute façon, moi, je comprends pas qu'un mec aussi dangereux, il le laisse partir. À la fin de Days of Future Past, souviens-toi qu'il le laisse partir tu peux t'en aller, quoi. Puis là, dans Apocalypse, c'est pareil. Ils redeviennent potes à la fin. Bon, là, ils sont plus potes, ça recommence. On a l'impression d'une redondance de film en film. On a l'impression que, ils ont été formés par Michael Burnham. Hein. On laisse partir les plus méchants. Si vous voulez plus de références, vous référez justement à notre épisode sur Star Trek Discovery, la première saison. Qui a eu plein d'actions dans cet épisode. Surtout les 20 dernières secondes. Dark Phoenix, est-ce que t'as un dernier mot à dire? Je vais aller le voir, mais ce sera plus de la curiosité malsaine que de l'attente. J'ai envie de voir un peu comment les... Alors, c'est dur à dire nouveaux personnages, c'est des vieux personnages qui ont été même pas rebootés, enfin c'est compliqué. J'ai un peu envie de voir ce que ça donne, mais je suis pas plus emballé que ça. Le problème, c'est cet esprit de réchauffé, on va dire, qui plane généralement dans le trailer. Ça me fait penser au syndrome Spider-Man, hein, fait vraiment réchauffer à fond. À fond. Je suis plus impatient d'aller voir Captain Marvel que X-Men, quoi. Ouais. Bon, sachant que de toute façon, ce sera le dernier film de produit par la Fox, vu que Disney va se récupérer tous les droits et ils sont bien partis pour intégrer les 4 Fantastiques et les X-Men à la MCU. À mon avis, ils vont donc changer les acteurs. On aura donc plus de Jax McAvoy, on aura plus Michael Fassbender. Bon, ce sont deux acteurs que je respecte, que j'aime bien, que je trouve que d'ailleurs il y avait un fort potentiel dans X-Men le commencement, faut le dire. Hein. Mais à force d'exploiter toujours le même rôle, ça fatigue, hein, pour moi. Mais... Ouais, puis comme dirait Deadpool, on s'y perd un peu dans leur chronologie. C'est vrai. Voilà pour Dark Phoenix. On va s'orienter un petit peu sur les news diverses, on va dire. Voilà, un peu des news en vrac, diverses et variées, des affiches, des trucs qui nous ont titillés. Ce week-end va avoir lieu la New York Comic Con, et cette semaine est paru, une première affiche pour Hellboy. Donc on espère qu'un premier trailer fera surface tout au moins ce week-end pour voir ce que ça donne. Hellboy. Venez avec moi, je vais vous présenter le reste de la famille. Abraham Sapien. Liz Sherman. Ce nom vous va si bien. T'inquiète pas, mon piquet, elle va s'occuper de toi. Bon là on a une simple affiche, hein, plein de rouge partout, même Hellboy sur du fond rouge, j'ai pas trouvé ça très esthétique. Ouais, on dirait un garde du corps de Snow. Oh le gros troll, toujours Star Wars 8. C'est vrai que bah, c'est pas, bah, c'est une affiche comme une autre. Hein. Il tient une épée, il y a ses cornes. T'as l'impression de revoir un petit peu Ron Perlman dans le costume. Donc c'est un reboot signé Neil Marshall avec David Harbour qui était apparu dans la série Stranger Things. Ben moi j'attends de voir un visuel quoi. Je sais pas pour toi, mais bah, rien qu'avec l'affiche, ça va être dur de se faire une idée. Hein. Ouais. Tout ce qu'on voit, c'est un Hellboy rebooté, c'est tout quoi. Enfin, mais toi, est-ce que t'avais bien aimé déjà les deux premiers films et, moi j'avais bien aimé le premier. Ouais. Ça changeait un peu de style, c'était style dark et pas sérieux, c'était marrant comme mélange, moi j'ai bien aimé. Ouais. Le 2 c'était un peu plus voyage initiatique et on découvre un petit peu l'univers fantomatique, je sais pas comment l'appeler, l'univers des gobelins, des fantasmagoriques on va dire. Fantasmagorique ouais. Plutôt. Voilà, le 2 c'était divertissant, c'était pas grandiose aussi, la scène avec le dernier dieu, ça c'était grandiose. Ouais. Cette espèce de bête à la Groot là. Ça c'est dans le premier tu veux dire, non? Non, c'est dans le deuxième parce que c'est avec le roi qui se transforme en marbre quand il claque. C'est avec les espèces de robots en or là. Ouais, voilà, la Légion d'or maudite. Ouais, ouais. Et voilà, il y avait des scènes qui donnaient envie d'être vues. Mais après, c'est pas un film que si j'avais raté, je perdais quelque chose. Hein. Voilà, ça reste un film divertissant et un blockbuster quoi. Bah moi j'aime bien aimer parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs films de super-héros, le premier Hellboy surtout. Avec ce côté un peu Lovecraftien, inquiétant, la découverte d'un personnage qui est assez sombre finalement. Il y a des scènes apocalyptiques même dans le film. J'ai bien aimé cette espèce d'esthétisme un petit peu à la Guillermo del Toro qui est quand même en plus d'un réalisateur qui est un sacré esthète. On peut le voir dans ses films. Hein. Enfin, je vais pas vous citer la filmographie de del Toro, vous la connaissez. C'est comme disait Teddy, c'est des films avec une certaine fantasmagorie. Attention le mot. C'est un peu, par contre, ils signent un peu comme Burton. Hein. On reconnaît du del Toro, on reconnaît du Burton. Ils ont ils ont pas la même signature, mais ils ont chacun leur propre signature. Ouais, c'est ça. Dans Hellboy 1, c'est vrai que la signature del Toro, c'est dur de passer à côté. Ouais, justement, tu fais une bonne comparaison parce que Del Toro, c'est un peu l'héritier graphique de Burton, quoi, finalement. Ouais, moi, le 2, bon, c'est une suite qui est un peu inutile pour moi. Elle est divertissante, certes, mais il n'y a pas beaucoup de rajouts, c'est-à-dire que le personnage n'est pas aussi. Il n'y a pas ce développement qu'il peut y avoir dans le premier, quoi, Déjà. Voilà, déjà il n'y a plus l'effet de surprise. Ouais, déjà. Il faut dire aussi le méchant est moins charismatique dans le 2. Hein. Mm. Dans le premier, voilà, c'était marrant, c'était des nazis, c'était Rasputin. Comme tu dis, les bêtes Lovecraftiennes. Ouais. Voilà, t'avais l'impression vraiment que les enjeux ils étaient planétaires. Ah bah là, c'est carrément, ouais. Par contre, dans le 2, enfin. Tu sens pas le danger, quoi. Tu sens pas le danger parce qu'ils sont enfermés, il n'y a qu'à faire écrouler la montagne, elles sortent pas les légions d'or, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait un peu bizarre, quoi. Ouais. Donc, ouais, bon, t'avais. C'était divertissant, un bon blockbuster. Bah, moi, je revois le premier parce que bon, il y a une ambiance particulière. Maintenant, j'aime bien ce personnage, je veux dire, donc qui est créé par Mac Mignola. J'ai peur que ce soit un reboot qui soit un peu inutile. Moi, je commence un petit peu doucement d'en avoir marre de tous leurs reboots, personnellement, mais après. Bah ouais, ça on en parle. Je pense qu'on parlera de tout ce qui est reboot, machin, dans notre débat en trois parties là. Ah, reboot tout, hein, ouais. Du Tomb Raider tout, ou Hellboy, on reboot tout. Donc on va bientôt rebooter les potes calés aussi, nous. Hein, tant pis, on fera une nouvelle version. Les trolls calés, on va dire. Les trolls calés. Ouais. Ouais. Bah on en parlera un peu plus lors de notre débat, mais je te rejoins. Parce que la créativité à Hollywood, elle fait cruellement défaut pour moi. Donc, en fait, voilà, tu vois, quoi. La créativité cinématographique fait défaut, et pourtant, après, quand tu regardes des trucs qui sortent sur Netflix, comme les séries Black Mirror ou des trucs comme ça, là, il y a de la créativité. Moi, je pense qu'il y a un fossé qui est en train de se créer, en fait, entre le cinéma où ils nous servent toujours la même chose, et Netflix ou d'autres plateformes comme Hulu qui nous proposent des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Ouais, ça dépend parce que ils sont quand même clients quand même de séries de super-héros, hein. Que ce soit Hulu ou Netflix. Netflix, faut quand même se souvenir que ce qui fait beaucoup sa renommée, ça a été les séries Marvel, style Luke Cage, Daredevil. Ils se sont un peu lancés avec ça, quoi. Ouais, donc, bah ça c'est la version cheap de films. Hein, ouais, c'est ça. Sur Netflix. Mais après, quand tu reprends, c'est vrai que Netflix après il y a Star Trek Discovery, oui. Qui a remonté le niveau, mais ça reste quand même. Une espèce de reboot. Ouais, c'est après, c'est une continuité. Après, quand tu regardes quoi. Les trucs, je sais pas si sur Netflix, mais genre Black Mirror ou les trucs comme ça, là, ça relève un peu. Où il y avait auparavant Being Humans aussi, qui était quand même pas mal. Et, par exemple, tu prends The Orville, ça change un peu. Enfin, tous les trucs comme ça, où ils prennent un peu plus de risques. Et c'est vrai qu'au cinéma, c'est quelque chose que qu'il n'y a pas. Ils restent sur des valeurs sûres. Mm. Ou même si c'est pourri, les gens vont aller le voir, comme Star Wars 8. On parle un petit peu de Star Wars, parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve. Après, parce que j'ai une news pour Star Wars. Bah, pour Hellboy, on verra ce week-end. Hein, pour, là, il n'y a pas matière, il n'y a qu'une affiche. Il n'y a qu'une affiche. Elle ne donne pas très envie, puis elle est un peu mal foutue parce que du rouge sur du rouge, c'est moche. Deuxième news, bah c'est on a concrétisé le tournage de Joker, le film de Todd Phillips qui est un réalisateur de comédie style Very Bad Trip. Je sais pas si tu les as vus, les Very Bad Trip. Ouais, moi je les ai vus. Moi le premier était correct, mais alors les deux autres passaient c'est votre chemin. Ouais, c'est naze. C'est de la surenchère à l'American Pie, ouais. Les deux autres. Moi j'en ai vu aucun, mais bon, c'est pas le genre de comédie qui m'intéresse. Puis les comédies en général, ça m'intéresse pas. La dernière comédie qu'on a vue avec Fabien, c'est Star Wars. Alors on a trouvé un running gag. Ouais. Donc Joker de Todd Phillips avec l'excellent Joaquin Phoenix. On pouvait pas espérer mieux comme interprète d'ailleurs, parce que Jared Leto dans Suicide Squad, souviens-toi. Oh bah là pour du surjeu, c'était du surjeu. Quelle horreur. Hein. Des personnages non respectés. Hein. Voilà quoi. Mais pour le Joker, bah on a vu les premières photos, tu les as vues aussi. Et sur le tournage avec les premiers, on voit son costume violet, cette espèce de maquillage qui rappelle pour moi un petit peu celui de Heath Ledger dans The Dark Knight. Ouais, j'ai eu l'impression de voir un mélange entre le premier Joker, c'est-à-dire Nicholson. Tu sais, il est pas non pas Nicholson. Le César Romero de voilà, Romero, 66, tu ouais. sais, où lui ont pas fait des cicatrices, quoi. C'est juste un mec maquillé. Ouais. Et comme tu dis, Heath Ledger, ouais. Il y a quand même dans les rares images qu'on voit, un œil de psychopathe ce mec. Il y a le regard de toute façon Joaquin Phoenix, lui c'est vrai que généralement bon, des rôles de bon, c'est pas tellement lui il est plus dans l'ambiguïté, on l'a vu plein de fois, je pourrais citer. Bah si vous connaissez le film Gladiator, c'était lui qui jouait Commode et déjà là c'était la folie incarnée dans ce film. Mais là c'est vrai qu'il a il a un regard dur, cruel même. Ouais, puis et tu vois quand t'as les photos du tournage, il regarde jamais la caméra, je sais pas si t'as remarqué. C'est ça. Il est toujours en train de regarder à côté comme si qu'il était comme si le Joker était à côté du monde, tu vois, dans son monde, et puis qu'il se mêle pas aux faces. Je sais pas si c'est fait exprès, alors j'extrapole peut-être, mais c'est une image qui m'a bien intéressé, plus que celle d'Alec Bologne. C'est ça que, déjà, ça relance l'intérêt, parce que déjà, rien que l'acteur, puis dans cette scène, il est dans un métro, où il enlève son masque, il est accompagné de gens qui, apparemment, protestent contre la finance. Et il y a un truc qui m'a un peu choqué, c'est de voir que, et ça, c'est confirmé par les propos du réalisateur, c'est qu'ils veulent faire de Thomas Wayne un mania de la finance qui ressemble un petit peu à Trump. Et, moi, je dis, avec la continuité de Batman, ça cadre pas, je sais pas pour toi, mais... Bah tant mieux que ça cadre pas, l'histoire sera peut-être améliorée. Parce que moi, je suis toujours parti du principe que si c'est pour cadrer un comics ou une BD, et sans rien proposer derrière, c'est pas la peine. Si vous nous proposez une vision personnelle d'une œuvre en vous la réappropriant et en faisant quelque chose qui tient la route, pourquoi pas? Toi, ça te choque pas que Thomas Wayne soit pas quelqu'un d'altruiste ou... Non, ça me choque pas du tout, parce que on peut, ça trouver un prétexte. Après, attention, faut pas dédiaboliser le Joker non plus. Mais, ça peut permettre de faire avancer une histoire qui serait bloquée si on respecte les canons. Ouais, moi, je suis un peu 50-50, sur ce thème-là, parce que peut-être que je suis traditionnaliste, Ouais, mais j'aime bien qu'on nous choque nos attentes. Mais il y a des moments où on nous choque nos attentes. Mais faut pas faire un gros fuck comme avec Luke ou dans Star Wars 8, par exemple. Exactement. Après, on a voulu nous choquer nos attentes. Enfin, on en revient toujours à Star Wars. Je veux dire, là, t'as vu, on nous a choqué nos attentes et puis ça nous a fait penche-toi en avant et tout. Mais tout à fait. Mais bon, on verra ce que ça va donner avec un trailer, avec les premiers signes du scénario, parce que là, bon, on voit Thomas Wayne qui est candidat pour devenir maire justement, et il est décrit comme quelqu'un d'assez cynique et d'assez très peu altruiste justement, et voilà quoi. Mais on va voir ce qu'ils vont en faire, et puis j'espère qu'ils vont pas non plus complètement dénaturer le personnage. D'ailleurs, Thomas Wayne est là, mais Bruce Wayne n'est pas là, et le Joker est déjà présent. Il y a un peu un problème aussi là, mais bon. Réappropriation d'un rôle. On peut décrocher de l'univers de Batman, hein. Ça peut-être pas l'univers de Batman, ça peut-être l'univers d'une société en pleine décomposition. Peut-être un what if ou... Après, voilà, si tu mets une histoire d'un psychopathe quelconque qui fait exactement ce que le mec qui joue le Joker va faire, bah, les gens iront pas le voir, c'est un psychopathe quelconque. Par exemple, si tu mets la case Joker, c'est pour ramener du monde. Faut pas aller plus loin que ça. Ouais, je suis combien d'accord, mais si ça plaît pas au public, ils vont se faire dézinguer, quoi. Ah bah ça, si les fans gueulent, j'espère qu'ils vont tenir la barre, parce que des fois, faire plaisir aux fans, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire pour sauver un scénario. Ouais, il y a des joueurs des polémiques, sur l'histoire de Thomas Wayne et tout, donc on verra bien. C'est bon, je pense que pour il y a aussi un film Birds of Prey qui est en préparation. Alors c'est Margot Robbie qui revient dans le rôle d'Harley Quinn. Enfin, tu connais un petit peu Birds of Prey? Bird of Prey, c'est les oiseaux de proie, en fait, c'est pas dans la Bat Family, mais c'est dans l'univers Batman, c'est-à-dire c'est des femmes fatales qui soit font je vais pas dire le bien, parce qu'en général, il y a toujours un intérêt derrière pour qu'elles interviennent. Et donc, c'est pas des justiciers, c'est pas des anti-héros. Enfin, c'est un groupe de femmes qui se fait plutôt respecter elles que la loi, quoi. Ouais, puis il y avait une série, je crois, mais elle a pas duré longtemps, cette série. Ah, je l'ai pas vu, la série Bird of Prey. Je suis mais un peu plus dans les BD. Moi, j'ai vu un pilote. Bon, c'était pas, c'était une série d'époque. Je crois que c'était les années 90. Et, il me semble que l'une des héroïnes de Bird of Prey, c'est la fille de Catwoman et de Bruce Wayne, si je me souviens bien. Faudra que je vérifie, mais je pense que Huntress, ça doit être, Des Huntress, il y en a quand même eu pas mal. Ouais. Huntress, il y avait quand même la mère de Cheshire et de Artemis. Mmh. Donc après, il faut voir si c'est dans la même Huntress. Il y a quand même eu 3 ou 4 Huntress différents. Donc là, je serais pas de dire. Ah, c'est peut-être pas. Mais dans la série, je pense que c'était le. Alors dans la série, je serais pas de dire. Catwoman et de Batman. Et il y avait aussi Barbara Gordon, alias Batgirl, quoi, en fait. Et puis les deux autres, je ne sais plus. Il y a Black Canary, je crois, dedans. White ou Black Canary. Je dirais plutôt Black parce que. Enfin, il y en a une qui est méchante, mais je sais plus c'est laquelle. Ça doit être White Canary qui est méchante, je crois. Voilà, quoi, c'était une petite annonce. Hein, pour après, moi je pense que c'est un truc qui va surtout mettre en avant Margot Robbie. Ouais, un peu comme Suicide Squad avait mis en avant Margot Robbie. Et c'est juste pour voir les seins à Margot, c'est pas la peine que j'aille voir ça. Quoi. Bah, c'est pas le sein, c'est pas tellement les seins qu'on voyait dans le Suicide Squad, c'est plutôt l'arrière, mais bon. Et puis avec des plans bien spécifiques, quoi. Ah, après, on va nous dire arrêtez de prendre les femmes pour des objets. Oui. Quand tu vois des trucs Hollywood, elle a matière à poil et puis. Bah, justement, t'as pas trouvé que c'était un peu. C'était provocateur. Un peu très misogyne là, dans la bande-annonce de Nicky Larson. Si, alors Nicky Larson, attention, le manga est très misogyne. Hein, donc. Ouais, mais bon, actuellement, est-ce que ça. Ouais, parce que ça va passer parce que c'est une comédie française. Bah. Mais quand on voit ça dans les films américains, ça y est, ils gueulent tous. Bah, j'espère qu'ils vont se calmer sur Nicky Larson, parce que s'ils respectent le manga au niveau des Love Hotel, on risque d'avoir un peu les féministes sur le dos. Il va y avoir un petit peu les petites culottes et tout, comme dans. Alors, il y a des chances, hein. Ah ouais, connaissant Lachaud, il va se lâcher. Ben, on va passer à un sujet qu'on n'aborde jamais, Star Wars. On a eu une annonce justement hier soir sur quelques infos sur la nouvelle série live, parce qu'il y a une série live qui est en train d'être produite, donc par Jon Favreau. Jon Favreau, c'est le réalisateur de Iron Man, c'est Hogan, le garde du corps de Stark. Et en fait, ce serait une série sur les Mandaloriens. Donc les Mandaloriens, c'est qui? C'est une race guerrière dont fait partie Boba Fett. Mandalorien, on le voit surtout dans Star Wars Rebels. Hein. C'est ça. Il me semble que la fille est une Mandalorienne et qu'elle peut lutter d'égal à égal grâce à la technologie avec un Jedi. C'est pas Sabine Il me semble que c'est Sabine, mais je suis pas sûr de moi. Donc dans ces cas-là. Oui, elle a de toute façon le même casque que Boba Fett. Hein. Oui, puis la même tenue. Enfin, je veux dire, voilà. Donc voilà, ils vont faire une série sur les... C'est les premiers indices qu'on a eus, c'est que ça se déroulera à 3 ans après le retour du Jedi, donc un petit peu avant l'arrivée du Premier Ordre, du général Hux. En parlant de Hux, on recommandera la très bonne vidéo de l'ami Durandal. Ah, alors là, oui, allez voir la vidéo de Durandal qui s'intitule « Pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur Star Wars ». Bon, elle est un petit peu longue, hein, près de 2h30-3h. Plus que ça, Mais ses arguments sont... Irréfutables. Enfin, en tout cas, sont marquants. C'est-à-dire qu'il y a des moments où t'es obligé d'être d'accord avec lui. Donc, il fait une analyse vraiment poussée et sans aucune neutralité, parce que le mec n'est pas du tout fan de Star Wars. Donc, il s'est renseigné à fond. Et c'est vraiment une analyse plan par plan, la cohérence du récit... Et il dit bien, et il précise bien que Rian Johnson laisse vraiment tout un gros paquet à l'ami J.J. Abrams, qui va avoir beaucoup de soucis à retomber sur ses pattes, quoi. D'autant plus que le 9 est prévu pour être diffusé en 2 parties. Donc, ça me saoule déjà d'aller voir 1 partie, alors 2. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont trouver comme matériel, mais on espère que J.J. Abrams, peut-être les Ewoks, ou Jar Jar Binks, ou... je pense qu'il va... Rien ne pourra être pire que ce qui a été dans le 8. Enfin, on dit ça à chaque fois, et à chaque fois, on est déçu. Ça va être compliqué. À chaque fois, c'est encore pire en pire, je trouve. Sinon, Star Wars 9, encore, je fais partie des gens qui vont aller le voir, parce qu'ils veulent voir comment cette merde se finit, quoi. Comment Hux, il finit, surtout. J'espère qu'il va finir, lui. Ça se m'a dégagé. Tous dégagés. Snoke dégagé. Snoke dégagé. Ouais. Et qui c'est qui est pas charismatique? Hux et Kylo Ren. Bon, ok, eux, tu les gardes. C'est vrai. Ça fait un peu on t'emmerde Gigi, quoi. Hein. Ça. On a détruit tout ce que t'avais installé dans le set, quoi, en fait. Mais alors, pour revenir sur la série live. Ouais. Les Mandaloriens, ça peut être intéressant. Juste mettre une étiquette Star Wars pour que ça plaise. Je sais pas, faut voir. Puis surtout que Star Wars, c'est un peu maudit en ce moment, donc. C'est un peu maudit parce que apparemment Bob Iger, qui est président de Disney, il a dit que du fait de la... Parce que Solo a complètement échoué au box-office, même si moi j'ai trouvé assez divertissant, on l'a bien aimé. Hein. Bon, il y avait des trucs un peu gros. Ouais, mais il y avait des trucs intéressants. C'était pas aussi gros que dans la trilogie. Quoi. C'était mieux qu'un Star Wars, certes, ou un Star Wars 8. Ouais. C'était pas au niveau de Rogue One, faut pas déconner. C'est clair. Mais c'était divertissant. Ouais, c'est ça. C'était pas un navet comme on nous l'annonce. Non, mais on pourrait le revoir aisément. Mais pour la série live, ben, on verra déjà un premier trailer. Parce que là, bon, comme je disais, Bob Iger a décidé que ils espaceraient plus la sortie des films. Est-ce qu'ils vont faire un film tous les deux ans? Est-ce qu'ils vont faire un film? Moi, je pense pas qu'ils vont s'arrêter sur ce rythme. Moi, je veux bien qu'ils espacent les films, mais mettez-nous dedans comme quelque chose. Ouais. Si vous mettez de la merde comme dans le 8, ça sert à rien d'espacer les films. Faites-en pas. Entre deux, ils prévoient quand même de créer, il y aura la série live, et il y a la série Résistance qui arrive. Je sais pas si t'as vu le trailer de Star Wars Résistance. Non, j'ai pas vu le trailer, parce que je suis un peu dégoûté de l'univers Wars en ce moment. C'est vrai qu'il y a une surdose, j'avoue aussi. Ah, ça se voit que Disney a racheté la licence. Ah, mais complètement. De toute façon, ils se sont complètement rentabilisés. Ils ont acheté ça 4 milliards, si je me souviens bien, et là, ils l'ont rentabilisé à hauteur de 4,5. Donc ils sont rentrés dans leurs frais. Il n'y a rien qu'à voir que avec les 4 épisodes qui sont sortis au cinéma, ils ont quand même rentabilisé le truc. Donc là ils vont peut-être un petit peu freiner le rythme, mais ça j'y crois pas trop. Mais par contre il y a la chaîne Disney en streaming, pour concurrencer le Warner tout ça. Ils vont essayer de balancer un maximum de Star Wars. Ah, et puis il faut vendre les jouets, il faut vendre les produits dérivés aussi quoi. Tu vois, c'est vrai que là les jouets, on les a avant la sortie du film. Ouais, c'est ça. Comme les Porgs. Ouais, les Porgs. On peut nous dire que c'était pour justifier. Enfin, regardez la vidéo de Durandal, il vous parle bien des Porgs. Ouais. Mais c'était pas pour justifier quoi que ce soit, c'était vraiment pour nous faire cracher du blé pour des jouets. Quoi. Ah, c'est ça, c'est pour vraiment attiser l'œil. Quoi. Ouais, c'est Lucas l'a fait, hein, on va pas critiquer Disney. Non, mais là c'est vraiment. Tu vas pas me dire que les jouets. C'est vraiment forcing quoi. Dans les 4, 5, 6, tu vas pas me dire que les jouets étaient sortis avant, ils sont sortis après les films. Non, mais les Ewoks, c'était clairement pour vendre des peluches. Par contre, dans le 1, 2, 3, ouais, on a eu des chasseurs Naboo avant le film, par exemple. Oui, par exemple, ouais. Ouais, parce que là, ça a défilé les jouets, hein, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est les Ewoks, ils étaient là clairement pour vendre des peluches, quoi. Voilà, quoi, ce qu'on pouvait dire sur la dernière actualité Star Wars. Bien sûr, on vous tiendra au courant dès qu'il y a un trailer ou quelque chose. Il y a une affiche de Star Trek Discovery qui est sortie. Bon, je te l'ai pas montré parce que on voit le logo de la Fédération en rouge avec une espèce d'oiseau un peu lumineux. Bon, j'ai pas bien compris la référence, mais apparemment, il y aurait peut-être une nouvelle vidéo qui paraîtrait ce week-end. Puis il y a aussi une vidéo pour Runaways, mais ça, c'est un peu passable, je veux dire. Bah, Runaways, je vais laisser tomber. Ouais. Par contre, Star Trek Discovery, il faudra quand même que je regarde cette affiche, parce que les Trekkies, on aime bien quand même voir tout des symboliques à côté, donc là, il faudra que je la voie quand même. Donc voilà pour les nouvelles de septembre, et je te propose un petit erratum dû à la sortie, en fait, du Comic-Con, et de deux nouvelles bandes-annonces qu'on pourrait peut-être exploiter pour mettre à jour ce podcast. On a fait un petit choix, parce qu'il y avait aussi celui de Daredevil, mais Daredevil, toi, tu n'apprécies pas trop cette série. Par contre, on va donner nos avis sur celui d'Aquaman, donc un gros trailer de 5 minutes. En ce trident repose le pouvoir d'Atlantide. Dire que ça présente quelques nouvelles images, et puis il y a aussi deux scènes complètes. Une où il y a Arthur Curry et Mera qui sont dans une espèce de vestige d'Atlante, et grâce à une espèce d'artefact, eh bien on découvre le discours du roi d'Atlantis, quoi, c'est le père d'Atlan, je crois d'ailleurs. On sait que c'est pas le père d'Arthur, parce que forcément, le père d'Arthur, c'est un humain qui a eu avec une Atlante. Et donc, tu me disais que c'était le personnage qui jouait Jango Fett. Ouais, c'est l'acteur qui joue Temuera Morrison. C'est donc l'acteur qui fait Jango Fett dans le Star Wars épisode 2. On va voir ce que ça donne avec cette bande-annonce. C'est vrai qu'elle est plus complète. C'est vrai qu'elle est un peu titillante au niveau de l'humour aussi. Enfin, je veux dire, on a l'impression que c'est plutôt un bouffon qu'un roi de l'Atlantide. Et c'est un des points qui m'a gêné dans cette bande-annonce. C'est exactement ça. Il y a un malaise vis-à-vis du personnage d'Arthur Curry. Quand il commence à faire des blagues du style « Mera a besoin d'eau pour activer l'artefact », et lui, il te met à sortir « Bah, j'aurais pu pisser dessus ». Bon, tu te dis « Merde, c'est quand même un peu pas choquant, mais ça cadre pas avec le personnage d'Aquaman, quoi. » Ouais, ça correspondrait plus à du Deadpool. Ouais, c'est plus du Jason Momoa pur style, je veux dire. Et voilà, quoi. Il arrête pas de troller Mera, même quand il y a son combat contre Black Manta et dans l'espèce de village là, où il y a Mera qui est d'ailleurs poursuivi par les soldats d'Atlantis. Bah là, il se met à troller, il se met à déconner, comme si tout allait bien, quoi. Alors que la situation, elle est censée être dramatique, quoi. Ils sont poursuivis par des tueurs, quoi. Après, voilà, ça se rapproche de l'humour que Jason Momoa, enfin plutôt le personnage d'Aquaman, avait dans la Ligue de Justice. Mais bon, c'est pas quelque chose qui m'a très, très emballé. J'ai l'impression qu'ils veulent faire, tu sais, du Marvel, mais au forceps. C'est-à-dire que, ouais, faut que ce soit marrant, faut que ce soit de l'humour. Et là, ça fait de l'humour raté à la Gardien de la Galaxie 2, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Aquaman, c'est le gros bof de service, je veux dire. Et puis, ouais, on fait de l'armoire à la Marvel, mais sans subtilité, quoi. Y a rien, y a pas de touche. Par contre, au niveau des visuels, parce qu'on va parler aussi des visuels, au niveau de l'Atlantis, tout ça, la découverte d'Atlantis, l'espèce de créature qu'il peut y avoir, une espèce de bestiaire, d'ailleurs, t'as pu voir le Kaiju qui émerge des mers, elle a un petit peu la Pacific Rim, je dirais. Ouais, voilà, un survivant de Pacific Rim. Oui, tout à fait, il s'est évadé de la dimension alternative. Bah, les scènes d'action ont l'air assez impressionnantes, notamment cette belle bataille sous-marine qui rappelle un peu la scène de l'arène dans l'épisode 2 de Star Wars, quoi. Ouais, moi ça me fait penser plutôt au Seigneur des Anneaux et l'attaque avec les morts-vivants, mais bon. Tu vois, voilà, on a des références déjà. Ouais, un déjà peu différentes, mais moi, tu sais que je suis un peu phagocyté par Star Wars, c'est pour ça. Ouais, la bataille du gouffre, et puis on a une scène à la Pirate des Caraïbes où toute l'eau s'en va dans l'océan. Ouais, c'est un peu bizarre comme truc. La mer perdue, ils appellent ça, ou quelque chose dans le genre. Ouais, puis bon, il y a l'histoire du sous-marin qui soulève, là, je sais pas, c'est un peu bizarre aussi. Mais bon, visuellement, c'est beau, mais le personnage, pour moi, il est un peu raté, quoi. Bah, ça fait un peu, je te dis, ouais, le bouffon du roi plutôt que le roi. C'est ça. Après, bon, les scènes d'action ont l'air correctes. Enfin, de toute façon, c'est des blockbusters. Donc, les scènes d'action sont toujours. Enfin, ils s'arrangent toujours pour que ce soit bien tourné. Il y a moins de trucs dégueulasses à la Steppenwolf, je veux te dire. Donc, Ah oui, ouais. Donc voilà, ça a l'air un peu mieux à ce niveau-là. Après, ça m'a donné envie de le voir, mais enfin pas plus que ça, quoi. Je suis pas si emballé que ça pour aller voir ça. Non, bon, on va quand même aller le voir. Donc ça sort le 19 décembre pour rappel. Donc le film de fin d'année. Nous, on a l'intention de faire un petit peu un doublé avec Alita Battle Angel. Malheureusement, Alita Battle Angel a été reporté au mois de février. Donc on verra que Aquaman au mois de décembre. Voilà quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, elle fait 5 minutes, sympathique à regarder. C'est vrai que les dialogues sont pas terribles, le visuel est beau, mais c'est encore une fois mal barré pour le DC Universe Extended, quoi. Après, c'est un concept épuisé, hein. Le MCU a réussi, mais ça commence déjà à s'épuiser dans le MCU, donc tout à fait. Voilà. C'est bien de vouloir pomper un concept, mais on s'éloigne du premier concept de Batman qui était vraiment très sérieux. Dans Batman versus Superman, quoi. Puis on se rapproche à quelque chose de plus humoristique, bon, c'est ce que les gens veulent voir, alors c'est ce que DC va leur servir. Ouais, mais ça va être un film de producteur, et malheureusement, la gravité dont tu parlais, que ce soit dans Justice, Batman versus Superman ou Man of Steel, c'est en train de s'évaporer, je dirais, de se dilapider pour un esprit un petit peu volatile, un petit peu fantaisiste, qui n'a rien à foutre là, quoi, finalement. Voilà, on veut en faire une comédie familiale. Ouais, voilà, c'est l'univers DC. On va passer tout de suite à la deuxième trailer. Captain Christopher Pike requests permission to come aboard. Well, Commander, this is awkward, but the best way to get into a cold stream is to jump right in. I'm here to take command of the Discovery under Regulation 19, Section C. Second trailer de la saison 2 de Star Trek Discovery, où on retrouve d'ailleurs Michael Burnham, qui est joué par Soneca Martin Green, et tout l'équipage, donc ça inclut Saru, ça inclut Tilly, et ça inclut les autres personnages dont je me souviens plus le nom, mais il y a aussi l'apparition du capitaine Christopher Pike, dont on avait vu le vaisseau apparaître à la fin du dernier épisode, et là, il est confirmé que Pike prendra le commandement du Discovery. Voilà un peu pour le début de cette saison. Bon, c'est quelque chose que je vais certainement regarder de près. On va rentabiliser un peu l'abonnement Netflix. Les scènes ont l'air quand même bien. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que dans la saison 1, les scènes de trailer avaient été toutes aussi bien. Accrocheurs, on va dire. Accrocheuses. Ouais. Donc après, faut voir ce qu'on nous propose après. On y voit un peu plus de rapprochement entre Burnham et Saru. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Enfin, pas un rapprochement amoureux, vraiment un rapprochement hiérarchique. J'ai besoin de votre aide. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a donné comme impression. Ouais. Moi, Pike, je le connais pas trop, je suis pas impatient de le voir. On verra s'ils arrivent à être à la hauteur d'un Lorca, qui était quand même très charismatique. Ouais. Enfin, sauf dans la fin. Et puis après, les autres personnages, il est oubliable, hein. Donc, je connais pas les noms non plus. Le retour quand même de Georgiou, faut quand même le signaler. Ah oui, confirmer le retour de Georgiou. Moi, je trouve ça un peu dommageable. Ouais. Je pense qu'ils veulent tabler sur une valeur sûre. Voilà, C'est Michel Yeoh, déjà. Donc. Ouais, c'est Michel Yeoh, elle est connue, donc, on va vous la mettre quand même. Ouais, on vous rebalance Michel Yeoh, avec son espèce d'uniforme noir. Vraiment très, très classe, hein, quand même, faut avouer. Bon, à part Pike, moi, j'ai trouvé un peu la facilité côté de dire bah Pike va prendre le commandant du Discovery, bah ouais, c'est un peu dans la c'est pas vraiment dans la continuité de Star Trek, mais bon. Ouais, puis ça fait un peu ça roule, t'as fait du bon boulot, bon, ouais, tu dégages maintenant, ouais, quelqu'un qui prend le relais. Alors que il aurait pu aisément prendre le commandant du vaisseau. Et puis il y a cet esprit un peu mystique, je dirais, avec l'apparition de cet ange rouge un peu bizarroïde. Je sais pas si t'as remarqué cette scène. Moi j'ai remarqué ça, ça m'a fait penser au Weeping Angel de Doctor Who, moi, c'est bizarre, c'est un truc que tu vois et que tu vois pas, que tu vois du coin de l'œil, et une fois que tu le vois, c'est trop tard. Enfin, ça m'a fait penser à ça un peu, ouais, dans la façon d'être tourné. Après, est-ce que ce sera mystique, je sais pas, on verra. Enfin, Star Trek, on est toujours surpris, il y a vraiment de tout qui est traité. Ouais. Hein. Il y aura peut-être un chemin différent, hein. Il y aura peut-être, on voit brièvement les Klingons et leur vaisseau, le premier modèle d'un vaisseau croiseur, d'après ce que j'ai bien pu apercevoir. Mais bon, le gros spoiler de cette bande annonce, c'est quand même Spock barbu, quoi. Voilà, Spock, c'est devenu un hipster, il s'est fait pousser la barbe, donc on va voir ce que ça donne quand on le verra. Ouais, bon, donc Spock, il jouait par Ethan Peake. Franchement, ils auraient pas pu garder cette cartouche au coin, quoi. Il fallait absolument nous balancer Spock pour la fin du trailer, quoi. Je sais pas où. Ah, c'est parce que dans Star Trek Discovery, dans le premier, on avait les Klingons. C'est quand même culte, hein, dans Star Trek, les Klingons. Donc, oui, on savait qu'on allait attirer le public grâce à ça. Et après, ben, la guerre avec les Klingons, c'est censé être, on sait pas, terminé. Normalement terminé s'ils respectent, on va dire, leur engagement de la fin. Et puis du coup, tu sais, il faut nous relancer quelque chose. Donc les fans, ils aiment bien quoi? Ils aiment bien Spike et... Enfin, Pike et Spock. Je confonds avec Buffy, avec les vampires. Et puis du coup, on nous balance les deux personnages comme ça pour dire, regardez... Ouais, c'est un peu du fanboys, quoi. T'as pas l'impression que... Ah bah si, j'ai carrément On rapatrie Spike, on rapatrie Spock, l'Enterprise au début de la première saison. Bah oui, c'est exactement ça. C'est ce que j'avais dit à la clôture de la saison. Hein. Ouais, c'est mais moi, je pensais que c'était qu'un clin d'œil, mais je me rends compte que un peu de mon erreur mais coupe pas, hein, pour ça, mais moi, je me suis dit que ça n'allait pas aller jusque-là, que Pike allait nous faire qu'une figuration, mais apparemment il va être présent pendant toute la saison. Donc voilà, quoi, on se raccroche un petit peu à l'univers classique. Ça va être un peu la facilité pour cette saison 2. Enfin, moi c'est une première impression que j'ai maintenant. Bah moi j'ai hâte de voir quand même la saison 2, voir comment ça tourne. Par contre, moi j'ai une appréhension sur cette saison 2, bah, c'est qu'ils rushent la deuxième partie de la saison 2 comme ils ont rushé la deuxième partie de la saison 1. Ouais. C'est-à-dire que merde, on a plus le temps de tout faire et ça s'est enchaîné à une vitesse, t'as plus le temps de suivre. C'est vrai que le dernier épisode a été vachement, c'était mal écrit et tout. Il y avait plein d'erreurs de script, notamment George Wu, mais ça on en discutera dans notre prochain bilan. Mais voilà, quoi. Moi, je vais quand même la regarder. Donc, elle débutera à partir de janvier 2019 sur CBS et Netflix. On essaiera d'être assez attentif à tous les trailers qui vont se présenter, quoi. Bah, pour l'instant, oui, ça a donné envie de le voir et ouais, bah, voir la suite, voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, moi, c'est bien parti. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.